À l'occasion du 56e anniversaire du commencement de la direction de la révolution de Sungun par le général Kim Jong-il, le corps des attachés militaires en Corée a offert une corbeille de fleurs et une lettre de félicitations au maréchal Kim Jong-un. Le doyen du corps Tianping, attaché militaire chinois, les a transmises le 24 courant au général d'armée Park Yong-sik, ministre des Forces armées populaires.